Le mot pour dire aider est to help. To help. Help s'écrit H-E-L-P. To help. C'est un verbe régulier. Help, helped, helped. Alors, comment dit-on « Pouvez-vous m'aider ?»« Can you help me ?»« Right, can you help me ?»« Help » signifie également « the help », l'aide, le secours, « the help ». Avoir besoin, nécessité. Avoir besoin se dit « to need ». « To need », N-E-E-D. C'est un verbe régulier, « need ». J'avais besoin, « I was... » Non. I needed... I needed. Très bien. I needed. Il a besoin d'aide. He needed... Non, il a besoin au présent. He needs... Good. He needs help. Yes. Je l'aide. I help him. Right, I help him. I am helping him. I help myself, comme verbe réfléchi. En anglais, ça veut dire « je me sers ». Littéralement, « je m'aide », « je me sers ». So, I help myself, je me sers. Comment dit-on alors « il se sert » Il cède, en anglais. He helps himself. Right, he helps himself. Il cède, eux, ils se servent, au pluriel donc. They help themselves. Très bien. They help themselves. Voulez-vous vous servir, s'il vous plaît? Do you want... will you? Yes, once more. Oui. Will you help yourself? Yes. Will you help yourself? Will you help yourself, please? Voulez-vous vous servir? Et à l'impératif, servez-vous? Help yourself? Yes, help yourself. Servez-vous, help yourself. Alors, comment dit-on? Je vais me servir. I'm going to help myself. Right, I'm going to help myself. Je vais le préparer moi-même. I'm going to prepare myself. Right. I'm going to prepare it myself. Je vais me préparer. I'm going to prepare myself. Yes. I'm going to prepare myself. C'est le même mot, n'est-ce pas? Myself. Entendez-vous la différence entre « je vais me préparer »,« I'm going to prepare myself » et « je vais le préparer moi-même ». Encore une fois, « je vais me préparer ». I'm going to prepare myself. Non, to prepare it myself. Non. Non, je vais me préparer. Je vais me préparer. Ah. I'm going to prepare myself. Yes, I'm going to prepare myself. Je vais le préparer moi-même. I'm going to prepare it myself. Right, I'm going to prepare it myself. Il va se préparer. He's going to prepare himself. Right, he's going to prepare himself. Mais il va le préparer lui-même. He's going to prepare it himself. Right. He's going to prepare it himself. Et elle va se préparer? She's going to prepare herself. Right. She's going to prepare herself. Et elle va le préparer elle-même? She's going to prepare it herself. Yes. She's going to prepare it herself. Et ils vont se préparer? They're going to prepare themselves. Right. They are going to prepare themselves. Et ils vont le préparer eux-mêmes. They're going to prepare it themselves. Right. They're going to prepare it themselves. Et nous allons nous préparer. We are going to prepare ourselves. Right. We are going to prepare ourselves. Et nous allons le préparer nous-mêmes. We are going to prepare it ourselves. Yes, we are going to prepare it ourselves. Vous allez vous préparer? You are going to prepare yourself. Et vous allez le préparer vous-même? You are going to prepare it yourself. Right, you are going to prepare it yourself. Et on va le préparer? One is going to prepare it. Right. Oneself. No. On va le préparer. One is going to prepare it. On va se préparer. Ah, one is going to prepare oneself. Right. One is going to prepare oneself. On va le préparer soi-même. One is going to prepare it oneself. Right. One is going to prepare it oneself. Je l'ai préparé moi-même. I prepared it. Good. I prepared it. Myself. Myself. I prepared it myself.